caressera toi, je n'ai plus mon passé. Te serre mon amour, je t'aime porte sous. Mon cœur sera toi, plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Danse, danse avec moi. Danse, danse avec moi. Danse, danse avec moi. Avec moi. Mon cœur sera toi, je n'ai plus mon passé. Te serre mon amour, je t'aime porte sous. Mon cœur sera toi, plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Plus mon passé. Wow, wow, wow. Et mon passé. Wow, wow, wow.